Schleiermacher, Schleiermacher, tiré des monologues de Schleiermacher. Examen. Les hommes ont peur de voir au-dedans de leur âme, et beaucoup tremblent comme des esclaves lorsqu'ils cessent enfin de pouvoir échapper à ces questions. Qu'avons-nous fait? Que sommes-nous devenus? Qui sommes-nous? C'est une affaire qui les inquiète, et dont le dénouement pour eux est incertain. Ils pensent qu'il est plus facile de connaître son semblable que de se connaître soi-même. Et ils croient ne faire preuve que d'une louable modestie lorsqu'après l'examen le plus sévère, ils admettent la possibilité d'une erreur dans le compte qu'ils ont dressé. Cependant, c'est la volonté seule qui cache l'homme à lui-même. Il ne se tromperait point dans son jugement, pourvu qu'il dirigeât réellement les regards sur sa personne. Mais c'est là ce qu'ils ne peuvent, ni ne veulent. Ils sont entièrement retenus dans les liens du monde et de la vie, et bornant à dessein leur vue, pour ne pas remarquer autre chose, ils n'aperçoivent de leur propre nature qu'une ombre mal dessinée, qu'un reflet prestigieux. Je ne puis connaître mon semblable que par ses actions, car sa vie intérieure ne se dévoile point à mes yeux. Jamais je ne puis savoir d'une manière immédiate quel a été précisément l'objet de ses efforts. Je me borne à comparer ses actions entre elles, et ce n'est qu'avec incertitude que je soupçonne le but de son activité et l'esprit qui l'animait. Mais honte à qui s'examine soi-même uniquement comme un étranger en examine un autre. Honte à qui ignore sa propre vie intérieure et se croit au plus haut degré de la sagesse, lorsqu'épiant sa dernière résolution sur un acte extérieur, il la rapproche du sentiment qui l'accompagne, de l'idée qui la précédait immédiatement. Comment un tel homme peut-il jamais en connaître un autre, ou se connaître lui-même? Si l'on conclut de l'extérieur à l'intérieur, à quoi sert une hypothèse chancelante pour celui qui, ne bâtissant sur rien de parfaitement solide, ne veut employer dans ses calculs que des grandeurs inconnues? Une crainte perpétuelle de l'erreur le jette dans l'anxiété. Le sombre pressentiment qu'il est en lui-même la cause serre son cœur, et ses pensées s'agitent avec effroi en présence de cette faible voix de la conscience, qui est descendue, hélas, jusqu'au rôle de geôlier, et qu'il doit porter avec lui et entendre souvent avec déplaisir. S'ils veulent sonder avec droiture l'activité intérieure, qui est le principe de leur vie, c'est à juste titre qu'ils craignent de ne point y reconnaître toujours la raison, et de voir la conscience, ce langage secret de l'humanité, gravement atteinte. Car celui qui n'a pas réfléchi sur sa dernière action ne peut pas non plus répondre de prouver, à la suivante, qu'il appartient à l'humanité et qu'il s'en montre digne. S'il a rompu ou n'a jamais ourdi le fil de la conscience intime et qu'une fois livré aux idées extérieures et à d'ignobles sentiments, il est méconnu les signes les plus manifestes d'une nature plus relevée, comment peut-il savoir s'il ne s'est pas ravalé au rôle grossier de la brute? Rechercher l'humanité au-dedans de soi, et quand on l'a une fois trouvée, n'en point détourner le regard, voilà l'unique et sûr moyen de ne jamais s'égarer loin de son domaine sacré, et de jamais perdre le sentiment le plus noble de la personnalité. C'est là le lien intime et nécessaire entre l'activité et la contemplation, lien qui n'est mystérieux et inexplicable que pour les hommes insensés ou stupides. Une action vraiment humaine engendre en moi la conscience claire de l'humanité, et cette conscience ne permet pas que je commette aucun acte qui ne soit digne de l'humanité. Celui qui ne peut jamais s'élever à cette vérité est en vain agité par de sombres pressentiments. L'éducation, l'habitude, les mille artifices qu'il appelle à son secours les résolutions qu'il prend, la violence même dont il essaie pour rentrer dans le sein de l'humanité, tout cela ne sert de rien. Les barrières sacrées ne s'ouvrent pas, il demeure sur un sol profane et ne peut échapper aux poursuites de la divinité irritée, ni au sentiment ignominieux d'un bannissement de la patrie. C'est toujours une conduite vaine et puérile que de donner des règles et de faire des essais dans l'empire de la liberté. Une seule résolution libre, voilà ce qui fait un homme. Quiconque en a pris une restera toujours homme, et quiconque cesse de l'être ne l'a jamais été. Je me souviens encore avec orgueil et avec joie du temps où je trouvais la conscience de l'humanité et où je sus que, dès lors, je ne la perdrai jamais. Cette révélation sublime partit du dedans de mon âme et ne fut le produit d'aucune leçon de vertu, ni du système d'aucun sage. Un éclair instantané couronna mes longues recherches, que rien ne voulait satisfaire. Ce fut un acte de la liberté elle-même qui résolut mes doutes. J'ose dire que depuis ce moment, je ne me suis jamais perdu. Ce que les hommes appellent conscience a pour moi changé de nature. Aucun sentiment de ce genre ne me punit, et je n'ai pas besoin de tels avertissements. Je ne cours plus après telle ou telle vertu, je n'éprouve plus une joie particulière à telle ou telle action, comme ceux auxquels apparaît quelquefois seulement, dans le cours de leur vie futile, un témoignage de raisons isolées et douteux. Au milieu d'un repos paisible et d'une simplicité toujours égale, je porte en moi, d'une manière non interrompue, la conscience de l'humanité entière. Content et le cœur léger, je dirige fréquemment les yeux sur mes actions dans leur rapport entre elles, certain de ne rien trouver nulle part que la raison désavoue. Si c'était là l'unique chose que j'exigeasse de moi, oh, qu'il y a longtemps que j'aurais pu me livrer au repos, et ayant ainsi accompli mon rôle, quitter enfin la scène. Car ma certitude à cet égard est ferme, est inébranlable. Je regarderais comme une indigne lâcheté, qui répugne à ma nature, d'attendre d'une plus longue période une confirmation plus complète, et d'appréhender la possibilité d'un événement quelconque, susceptible de me précipiter des hauteurs de la raison pour me livrer à l'égoïsme des sens et à la confusion, partage de la brute. Mais des doutes m'ont été en même temps donnés. Lorsque le premier but a été atteint, un autre plus noble était fixé devant moi. Et tandis qu'il apparaît à mes yeux, tantôt avec plus de force, tantôt avec plus de faiblesse, je ne sais pas toujours, par la contemplation de moi-même, quelle est la route que je prends pour m'en approcher, ni à quel endroit de cette route je me trouve. De telle sorte que j'hésite dans mon jugement. Plus il s'affermit cependant et devient assuré, plus souvent aussi je reprends mes anciennes recherches. Et fussé-je aussi éloigné qu'alors d'arriver à la certitude, je voudrais malgré cela chercher en silence et ne pas me plaindre, car elle triomphe du doute, la joie que j'éprouve d'avoir trouvé ce que je dois chercher et de m'être soustrait aux préjugés vulgaires qui trompent, durant leur vie, beaucoup des meilleurs hommes et les empêche de s'élever aux véritables hauteurs de la vie. Longtemps je demeurai satisfait d'avoir trouvé la raison, et révérant dans l'humanité une seule et même essence, comme le principe unique et le plus élevé qu'il y ait, je croyais qu'il n'existe pour chaque cas qu'une manière convenable d'agir, que l'activité doit être la même dans tous, et qu'un homme ne se distingue de l'autre que par la position qu'il a été donnée à chacun d'occuper. L'humanité, pensais-je, ne se manifeste différente que dans la variété des actions extérieures. Et l'homme intérieur, l'homme individuel, n'est pas un être qui ait des propriétés particulières à lui, mais il est dans le fond semblable à tout autre. Telle est la voie par où l'homme arrive peu à peu à la connaissance de lui-même. Et encore n'atteignent-ils pas tous le but, si l'un d'eux, méprisant l'isolement honteux d'une vie sensuelle et pareille à celle de la brute, trouve la conscience générale de l'humanité et se prosterne en présence du devoir, il ne peut pas de suite s'élever à un développement intellectuel et moral d'une plus haute portée, ni contempler et comprendre la nature qui, perfectionnée par la liberté, n'est devenue qu'un avec elle. La plupart flottent dans un milieu vague et font voir, il est vrai, toutes les parties essentielles de l'humanité. Mais il en est de ceux qui n'ont pas saisi ce qui fait le propre de l'être individuel, comme d'un minéral qui, manquant de repos et d'espace pour se cristalliser en une forme particulière, n'apparaît que sous l'aspect d'une masse grossière. Eh bien, cet être individuel, j'en ai saisi l'essence. Le sentiment seul de la liberté ne me tranquillisa pas longtemps. Je demandais à quoi bon, au-dedans de moi, la personnalité et l'identité d'une conscience fugitive et passagère, et j'étais pressé de chercher une conscience morale plus élevée, dont elles fussent l'expression. Ce n'était point suffisant pour moi de considérer l'humanité comme une masse uniforme, morcelée extérieurement, mais au fond constituant un tout de même espèce. Je m'étonnais que la forme particulière de l'esprit humain dût s'identifier à celle de phénomènes sans durée, ni base intérieure et produit unique du frottement. Ainsi a brillé pour moi ce qui, depuis cette époque, contribue le plus à m'élever. Alors j'ai clairement compris que chaque homme, d'après sa manière à lui, doit représenter l'humanité dans le mélange de ses éléments, afin qu'elle se manifeste sous toutes ses faces, et que dans le temps et dans l'espace on voit réellement éclore tout ce que son sein peut produire. C'est là surtout la pensée qui m'a élevé et séparé de ce qu'il y a de grossier et de mesquin dans ce qui m'entoure. Avec elle je me sens un instrument à part, voulu et choisi de la divinité, et qui doit se réjouir de ce que son aspect et ses dispositions offrent de spécial. L'action libre, à laquelle appartient cette pensée, a rassemblé les éléments de la nature humaine et les a intimement liés à une existence individuelle. Si, dès lors, j'eusse toujours senti et observé ce qu'il y a d'individuel dans mon activité, avec autant de précision et de persévérance que cela m'est toujours arrivé pour ce qu'il y a d'humain en moi, si j'eusse expressément connu les actes et les limites qui découlent de cette activité libre, et que j'eusse constamment été attentif à chaque manifestation de la nature, dans tous ses développements, alors je saurais, sans le moindre doute, à cet égard, quelle est dans l'humanité la place qui m'appartient, et où je dois chercher la raison commune des bornes et de l'extension de mes forces. Alors je pourrais mesurer exactement la capacité de mon être, reconnaître mes limites sur tous les points, et prophétiser ce que je puis encore être et devenir. Mais ce n'est que difficilement et à la longue que l'homme arrive à la connaissance parfaite de son individualité. Il n'ose pas toujours la sonder, et il dirige de préférence les regards sur le domaine commun de l'humanité, auquel il est attaché, depuis plus longtemps, avec amour et reconnaissance. Souvent même, il doute s'il est convenable pour lui qu'il se sépare de nouveau, comme être individuel, jusqu'à un certain point de la communauté. Et s'il court danger, en confondant le sensuel avec le spirituel, de retomber dans les anciennes et honteuses limites, bornées au cercle étroit de la personnalité extérieure. C'est plus tard seulement qu'il apprend à apprécier la plus excellente des prérogatives et à en faire usage. De cette manière, la connaissance interrompue de son individualité doit demeurer longtemps dans un état de vacillation. Maintes fois, les propres efforts de notre nature ne sont pas remarqués, et quand les limites en apparaissent avec le plus de clarté, l'œil glisse trop facilement sur les contours pour ne s'attacher qu'au général et à l'indéterminé, là où l'individuel se sépare le plus nettement de ce qui lui est étranger. Je puis être satisfait lorsque je vois jusqu'à quel point ma volonté a dompté la paresse, et l'exercice fortifié mon regard, auquel, à cette heure, peu de choses échappent. Dans tout ce que ma raison et mon sentiment poursuivent, l'imagination, pour faire jaillir avec le plus d'évidence mon individualité, me représente mille modes d'agir dans un esprit et dans un sens différent, sans blesser les lois de l'humanité. Je les approfondis tous, afin de découvrir, avec d'autant plus de certitude, celui qui me convient. Cependant, comme ce dernier ne s'offre pas à moi sous la forme d'une image achevée, dans tous ses traits, et que la vérité ne m'en est pas encore garantie par une conscience claire et non interrompue, l'examen de moi-même ne doit pas non plus toujours marcher d'un pas égal et tranquille. Il faut, d'une manière expresse, qu'il se porte plus souvent sur l'ensemble de mon activité et de mes efforts, et sur l'histoire complète de mon être. Je dois aussi tenir compte de l'opinion des amis, auxquels j'ouvre volontiers mon âme, dans le cas où leur jugement ne serait pas d'accord avec le mien. Je crois être encore le même qu'à l'époque où je commençais une vie meilleure, seulement je me trouve quelque chose de plus ferme et de plus déterminé. Comment l'homme, en effet, après être parvenu à une existence indépendante et individuelle, pourrait-il tout à coup, au milieu même de son développement, prendre au-dedans de lui-même une nouvelle direction? Ou comment la chose se passerait-elle à son insu? Ce qui souvent nous semble tel n'est certainement qu'une apparence, provenant de ce que les objets extérieurs ont changé. Ou bien c'est une rectification de nos vues premières, à nous dévoiler plus profondément la nature d'un homme, que nous avions d'abord jugé faussement et avec trop de précipitation. Quant à moi, où je ne me suis jamais compris, où je suis à présent tel que j'ai cru d'être, et toute contradiction apparente, une fois dissipée par la méditation, doit me montrer avec une certitude d'autant plus grande quels sont les éléments extrêmes de mon être et comment ils s'harmonisent. De toutes les divergences qui tiennent à la variété des sphères d'action des hommes et par lesquelles se manifeste la diversité de leur nature, voici pour ma part celle qui se dresse encore devant moi avec le plus de force. D'un côté, donner à l'humanité en soi une forme positive, au moyen d'une activité variée, et de l'autre, la produire au dehors, s'appliquant à des œuvres de l'art, de telle sorte que chacun reconnaisse ce que l'on voulait montrer. Ce sont là deux choses trop contrastantes pour qu'elles puissent être, à un égal degré, le partage d'un grand nombre. Celui qui s'arrête encore au vestibule extérieur de la moralité, et qui, pareil à un novice, manifeste de l'aversion pour une résolution précise, de peur de s'engager dans des liens, celui-là soumettra bien ces deux choses à des essais grossiers et confus. Mais dans l'une et l'autre, il effectuera peu. Ainsi, la vie de la plupart des hommes est dans un état constant de fluctuation. Toutefois, quiconque a pénétré plus avant dans le sanctuaire de la moralité ne tardera pas à s'attacher de préférence à l'une de ces choses et ne conservera que peu de rapport avec l'autre. Seulement, à la fin, les deux routes semblent se rapprocher. Mais pour les réunir, il faut un degré de perfectionnement tel qu'il est rarement donné à l'homme de l'atteindre. Comment aurais-je hésité sur le choix entre ces deux routes ? J'ai pris la décision bien arrêtée de ne jamais rechercher ce qui est du ressort de l'artiste, et j'ai saisi avec ardeur ce qui peut servir à mon développement intérieur, ce qui peut l'accélérer et le fortifier, en sorte que toute espèce d'hésitation a disparu. Les artistes poursuivent, d'un amour exclusif, une seule chose parmi tout ce qui peut devenir signe et symbole de l'humanité. L'info eut le trésor des langues. Un autre fait naître un monde du chaos des sons. Un troisième cherche de l'harmonie et un sens caché dans le brillant contraste des couleurs qu'offre la nature. Dans une œuvre quelconque qui se présente à eux, ils sondent l'impression que produit chaque partie, puis examinent l'ensemble et les lois qui le régissent, et souvent se réjouissent bien plus à la vue du vase artistement travaillé qu'à celle du contenu précieux qu'il renferme. Alors naissent en eux de nouvelles conceptions pour des œuvres nouvelles. Elles se nourrissent secrètement dans leur âme et grandissent en silence. Jamais ils ne donnent du relâche à leur activité. Projets et exécutions se succèdent. Peu à peu, l'exercice fait faire des progrès, et ils ne se lassent jamais. Le jugement plus mûr tient en bride et dompte l'imagination. C'est ainsi que le génie créateur de l'artiste va au-devant de son but, qui est la perfection. Toutes ces facultés, je les ai surprises chez d'autres, mais elles sont demeurées étrangères à mes propres efforts. J'aime, il est vrai, à considérer attentivement les œuvres des artistes, mais l'effet humain qu'elles représentent me frappe beaucoup plus que le talent de leurs auteurs. C'est même difficilement que j'aperçois plus tard ce dernier, et que je parviens à en saisir quelque chose. Je m'abandonne entièrement à la nature libre. Les belles et importantes marques qu'elle m'offre de sa présence éveillent toutes en moi des sentiments et des pensées, sans que jamais je sois violemment entraîné à donner à ce que j'ai vu la figure d'une œuvre particulière, par des transformations et par un caractère plus déterminé. Si je suis appelé à représenter un objet quelconque, jamais je n'ai à cœur de polir la matière, pour en enlever la dernière trace de résistance et de pousser le travail jusqu'à la perfection, à la star de l'artiste. Ainsi j'ai en horreur la routine, et si j'ai une fois exprimé par un acte ce qui se passe au-dedans de moi, je ne m'applique point à renouveler souvent cet acte, d'une manière toujours plus claire et plus parfaite. Un loisir sans contrainte est ma divinité favorite. Par lui, l'homme apprend à se connaître et à se définir lui-même sans prévention. La pensée établit son autorité et domine facilement sur tout, même lorsque le monde réclame des actes de notre part. Par suite, je ne dois point non plus travailler dans la solitude comme l'artiste. Cela me dessécherait l'âme, et ma pensée deviendrait stagnante. Je dois me mêler au dehors à la société d'autres esprits, non seulement pour voir combien de choses humaines me demeureront étrangères, peut-être toute ma vie, et ce que je puis au contraire m'approprier, mais aussi pour définir toujours plus nettement mon propre être, au moyen de ce que je donne et de ce que j'acquiers. Ma soif insatiable de le perfectionner sans cesse davantage ne va pas toutefois jusqu'à permettre que je donne un poli extérieur à l'acte qui émane de mon esprit. Je vois dans le monde mes actions et mes paroles, sans m'inquiéter si les spectateurs ou les auditeurs ont assez de jugement pour en percer l'enveloppe grossière, et assez de bonheur pour en trouver la pensée intime et le sens propre, malgré une exposition imparfaite. Je n'ai ni le temps ni l'envie de m'en informer. Il faut que je marche en avant de la place que j'occupais, afin de me perfectionner autant que possible pendant cette courte vie, en donnant une nouvelle impulsion à mon activité et à ma pensée. À l'opposé de l'artiste, je hais la simple répétition du même acte. J'aime donc faire tout en communauté avec quelqu'un. Tandis que je réfléchis et que je médite, tandis que j'assimile à mon être ce qui lui était étranger, j'éprouve le besoin d'avoir près de moi un être aimé, afin que je puisse lui communiquer mes pensées intimes au moment où je les conçois, et que, par le doux et agréable don de l'amitié, je paie aisément mon tribut au monde. Voilà ce qui était, voilà ce qui est. Et je suis encore si loin de mon but que je renonce à le franchir jamais. J'ai bien raison, quoi qu'en disent mes amis, de m'exclure du domaine sacré des artistes. J'abandonne volontiers tout ce qu'ils m'ont prêté, pourvu que je me trouve moins imparfait dans le champ où je me suis placé. Qu'il s'ouvre donc encore une fois à mon examen ce vaste domaine de l'humanité, dans lequel habitent ceux qui s'efforcent d'agir seulement sur eux-mêmes, et non de produire une œuvre durable au dehors, qui songe uniquement à nourrir leur âme de tout ce qui les entoure. et auquel il suffit de se livrer à une activité variée, selon que le temps et le lieu l'exigent. C'est là que je veux voir si une place particulière m'appartient ou non, s'il y a de l'accord en moi, ou si une contradiction intérieure empêche que le dessein ne puisse s'achever, en sorte que, pareil à un projet qui avorte, mon être, au lieu d'atteindre à la perfection, se résolve bientôt en néant. Oh non, je ne dois rien craindre. Il ne s'élève dans mon âme aucun triste pressentiment. Je reconnais que tout dans moi est disposé de manière à former un véritable ensemble. Je ne me sens gêné par aucun élément étranger. Il ne me manque aucun organe ni aucun membre essentiel à la vie. Celui qui cherche à devenir un être individuel doit diriger son attention sur tout ce qui n'est pas lui. Encore ici, dans le domaine de la moralité la plus relevée, il règne la même alliance étroite entre l'activité et la contemplation. Si l'homme actif a la conscience actuelle de son individualité, alors seulement il peut être sûr de la conserver intacte à l'avenir. S'il s'astreint avec persévérance à porter ses regards sur l'humanité entière, à comparer et à mettre en regard sa manière de la développer avec celle des autres, alors seulement il peut conserver le sentiment de son individualité, car ce n'est que par le contraste que l'on discerne ce qui est propre à chacun. La première condition de son perfectionnement dans une sphère déterminée, c'est donc un intérêt qui se porte sur tout. Mais comment celui-ci pourrait-il subsister sans amour? Au premier pas que l'on fait, l'énorme disproportion entre donner et recevoir devrait bientôt bouleverser l'âme, la pousser loin de ses sentiers et briser entièrement ou précipiter parmi le commun des êtres celui qui aspirait à se développer de la sorte. Oui, amour, tu es là, vertu attractive du monde spirituel. Aucune vie individuelle, aucun caractère à soi n'est possible sans ton secours. Sans toi, tout porterait l'empreinte d'une mesure uniforme et grossière. Ceux qui n'ambitionnent rien de plus peuvent se passer de toi. Il leur suffit de la loi et du devoir, de la justice et d'une activité toujours égale. Le sentiment sacré de l'amour serait pour eux un trésor inutile. Aussi laissent-ils périr, faute de culture, le peu qu'il leur en a été donné. Ils le méconnaissent et le jettent avec insouciance dans le fond commun de l'humanité, lequel est régi par une seule et même loi. Pour nous, tu es le commencement et la fin de toute chose. Point de perfectionnement sans amour et point d'amour accompli sans perfectionnement. L'un complète l'autre, tous deux grandissent sans se séparer jamais. Je trouve réunis en moi les deux grandes conditions de la moralité. Je me suis revêtu de cet intérêt qui s'attache à tout, et j'ai fait habiter l'amour au-dedans de mon âme. Ce double sentiment ne cesse de se développer, attestant ainsi avec certitude que ma vie est pleine de fraîcheur et de santé, et que je fais des pas toujours plus assurés dans la voie du perfectionnement. Quel est l'objet qui pourrait échapper à mon intérêt? Mes amis, aspirant à élever à la dignité de maître dans les sciences ceux qu'ils aiment et qui sont richement doués, se plaignent fort de ce qu'ils ne peuvent m'engager à circonscrire mon activité et de ce que leur espérance les trompe, chaque fois que je semble vouloir me livrer exclusivement à une seule chose. Car dès que je suis parvenu à un point de vue, mon esprit léger, disent-ils, ne tarde pas, selon son habitude, à voler bientôt à d'autres objets. Oh, puisse-t-il donc une fois me laisser en repos, comprendre que ma destination n'est pas autre et que je dois placer en dernière ligne le désir d'avancer la science dans ses détails? Car mes efforts ont pour but unique de m'avancer moi-même, sans doute aussi au moyen de la science. Mais peu m'importe si le précédent résultat n'est atteint que plus tard, ou même ne l'est pas du tout. Puisse-t-il ne pas s'opposer à l'intérêt que je prends pour tout ce qu'ils font avec ardeur? puissent-ils regarder comme une chose digne de leur peine les progrès que je fais par la contemplation de leur activité. Par leurs plaintes, cela témoigne en ma faveur. Contrairement à eux, d'autres d'une nature à la vérité différente de la mienne, mais s'efforçant comme moi de pénétrer l'essence de tout objet humain, se plaignent de ce qu'en réalité mon intérêt est borné, et de ce que je pourrais négliger bien des choses sacrées et détruire par un vain amour de la dispute ce qu'il y aurait de profond et d'indépendant dans mon regard. Je laisse encore bien des choses de côté, cela est vrai, mais ce n'est point par indifférence. Je dispute, cela est vrai, mais c'est précisément pour conserver, à mon regard, son indépendance. C'est ainsi, et non autrement, que je dois agir, selon ma nature, tout en m'efforçant d'étendre et de développer mon jugement. Lorsque je découvre une chose qui m'était inconnue dans le domaine de l'humanité, mon premier mouvement est, non pas d'en nier l'existence, mais de contester quel est le caractère, et uniquement le caractère, que lui assigne à mes yeux celui qui d'abord me l'a fait apercevoir. Mon esprit, qui s'est réveillé tard, se souvenant du joug étranger sous lequel il a longtemps gémi, craint toujours de retomber sous l'empire des opinions d'autrui. Aussi, lorsqu'un principe vital se dévoile à lui pour la première fois, dans de nouveaux objets, il s'apprête d'abord, les armes à la main, à conquérir sa liberté, afin de ne rien recommencer comme auparavant, sous l'esclavage d'une influence étrangère. Ai-je de la sorte fait triompher l'indépendance de mes vues? Alors le temps de la dispute est passé. Je tolère volontiers toutes les autres manières de voir à côté de la mienne, et mon intelligence, achevant paisiblement son œuvre, interprète chacune d'elles et en apprécie la valeur. Souvent donc, ce que l'on prend pour les bornes de mon penchant, à m'intéresser à tout, n'en est que les premiers essais dans l'empire de la vérité. Souvent ils ont dû se manifester dans cette belle période de ma vie, où tant de choses nouvelles m'ont impressionné, où j'en ai vu, sous un jour clair, plusieurs que, jusque-là, j'avais soupçonnées obscures, et pour lesquelles je m'étais seulement réservé une place vide. Souvent ils ont dû froisser désagréablement ceux qui étaient la source de mes nouvelles lumières. Je ne me suis point inquiété de cela, dans l'espérance qu'un jour ils comprendront mes motifs, quand leur regard aura pénétré plus avant dans mon âme. Mes amis, pour l'ordinaire, ne m'ont pas non plus compris, lorsque, sans disputer, mais aussi sans m'associer à eux, je négligeais tranquillement ce qu'ils se hâtaient d'embrasser avec chaleur et empressement. L'esprit ne peut pas saisir tout à la fois, et c'est en vain qu'il voudrait achever son œuvre dans un seul acte. Il y a toujours deux directions à suivre, et chacun doit avoir une manière à lui de les faire concorder, pour arriver à son but. Si une chose nouvelle remue mon âme, il m'est interdit de la sonder de suite, avec impétuosité, et de la connaître jusqu'à la perfection. Une telle conduite ne convient pas à l'égalité d'âme, qui doit présider à l'harmonie de mon être. M'appliquer en entier à quoi que ce soit ferait perdre à ma vie son équilibre. En me plongeant dans un objet, je me soustrairais à l'autre, sans posséder toutefois celui-là comme ma véritable propriété. Je dois d'abord déposer au-dedans de moi chaque acquisition que je fais, puis continuer le jeu ordinaire de ma vie avec son activité variée, de sorte que le nouveau se mêle à l'ancien et gagne des points de contact avec tout ce qui déjà était en moi. C'est seulement ainsi que je puis réussir à approfondir une chose quelconque. L'observation et la pratique doivent fréquemment se succéder, avant que j'aie à me réjouir de l'avoir sondée et entièrement pénétrée. C'est ainsi et non autrement que je dois mettre la main à l'œuvre, à moins de porter atteinte à mon être intérieur. Car le perfectionnement de moi-même et l'activité de mes vues sur le monde doivent autant que possible se tenir toujours en équilibre. Je n'avance donc que lentement. et une logique et une longue vie peut avoir été mon partage avant que j'aie tout embrassé à un même degré. Cependant, j'ai moins d'erreurs à rétracter que bien d'autres, car ce que j'ai ainsi recueilli est devenu ma propriété, marqué de mon sceau, et tout ce qu'il m'est permis de prendre du monde sera, de la même manière, élaboré au-dedans de moi et s'assimilera à mon être. Oh, que de richesses déjà acquises, que la conscience en est douce, et combien est élevé le sentiment d'une vie, d'une existence à moi, sentiment qui couronne en mon âme la contemplation de moi-même, à la vue des fruits que tant de beaux jours m'ont apportés. Non, elle n'était pas vaine, cette activité tranquille, qui aperçue du dehors semble de l'oisiveté. Elle a puissamment avancé l'œuvre intérieure de mon perfectionnement. Jamais cette œuvre n'aurait si bien réussi si elle eût été compliquée d'efforts et de relations diverses qui ne conviennent point à ma nature, et à plus forte raison si des bornes eussent été mises avec violence à mes recherches. C'est pourquoi je gémis de voir la nature intime de l'homme, tellement méconnue par ceux-là même qui, partout, auraient les moyens et seraient dignes de la découvrir. Je gémis de ce que les regards d'un si grand nombre d'entre eux ne se détachent point des faits sensibles pour se diriger sur l'intérieur de l'âme afin de sonder ce qui s'y passe. Je gémis enfin de ce qu'ils s'imaginent reconnaître cette âme et ses faits dans des détails, formés de lambeaux épars et sont ainsi amenés à soupçonner des contradictions, même là où tout est d'accord. Le caractère propre de mon être est-il donc si difficile à trouver? Cette difficulté m'interdit-elle, à toujours, le souhait le plus ardent de mon cœur, désiré sans cesse de se révéler au plus digne des hommes? Oui, encore à présent, tandis que je me replie sur moi-même, je sens se confirmer ma conviction que c'est là ce qui agite le plus fortement mon âme. Voilà ce qui est. Bien qu'on me dise souvent que je ne suis pas ouvert, et que je repousse avec froideur les avances sacrées de l'amitié et de l'amour. Il est vrai que jamais il ne me semble nécessaire de parler de ce que j'ai fait, ou de ce qui m'est arrivé. Je juge trop insignifiant tout ce qui en moi appartient au monde, pour arrêter par là celui que j'aimerais à laisser lire dans mon âme. Je ne parle pas non plus de ce qui, dans moi, est encore obscur et inculte, manquant de cette clarté qui seule m'autorise à le considérer comme mien. Comment produirais-je au regard de mon ami précisément ce qui ne m'appartient pas encore? Pourquoi lui dissimuler par là ce que je suis réellement? Comment espérer de communiquer sans méprise ce que je ne comprends pas encore moi-même? Une telle circonspection n'est pas de la taciturnité, ni du manque d'amour. Ce n'est autre chose qu'une sainte retenue, sans laquelle l'amour n'est rien. C'est une attention délicate à ne pas profaner, ou jeter dans la confusion ce qu'il y a de plus élevé. Mais dès que j'ai acquis quelque chose de nouveau, dès que j'ai fait, ici ou là, quelques gains en perfectionnement et en indépendance, est-ce que je ne me hâte pas alors de l'annoncer à mon ami par mes paroles et par mes actions afin qu'il partage ma joie et qu'il profite aussi de ce progrès dans ma vie intérieure? J'aime mon ami comme moi-même. Dès que je reconnais une chose pour mienne, je la lui donne aussitôt. Il est encore vrai que je ne prends point à ce qu'il fait, ni à ce qui lui arrive, une part toujours aussi grande que cela a lieu chez la plupart de ceux qui se disent ami. Son activité extérieure me laisse tout à fait tranquille et sans inquiétude. Lorsque je saisis déjà la source intérieure, d'où elle découle, et que je sais que la première doit être telle, en vertu de ce qu'il est lui-même. Comme acte, elle n'a guère à faire avec mon amour. Elle ne lui accorde pas autant de nourriture qu'à ceux qui auparavant comprenaient moins l'intérieur de celui qui agit. Et elle n'excite pas non plus chez moi autant d'admiration et de joie que chez eux. Comme événement aussi, elle éveille moins mon attente que celle des hommes, qui font tout consister dans la fortune et dans le succès. Elle appartient au monde, et doit, avec toutes ses conséquences, se soumettre aux lois de la nécessité. Puis, quant à ce qui en résulte, quant à ce qui arrive à mon ami, il saura bien agir à cet égard avec une liberté digne de lui. Le reste ne m'inquiète pas du tout. Je demeure tranquille, spectateur de sa destinée, comme de la mienne. Qui oserait prendre cela pour de la froide indifférence? C'est uniquement le fruit de la connaissance, exacte de ce que chaque homme est en lui-même, et de ce qui appartient au monde en dehors de lui. Cette connaissance me sert de guide pour m'examiner. Et c'est sur elle que repose la valeur que je m'attribue et le sentiment de ma liberté. Dois-je moins obéir à ses aspirations en ce qui concerne mon ami qu'en ce qui me regarde moi-même? Jamais chez moi, l'amour et l'amitié n'ont une origine ignoble. Et c'est ce qui fait hautement ma joie. Jamais ces sentiments ne sont calculés pour le bien-être extérieur de celui que j'aime. Ils ne se mélangent point à de viles pensées et ne sont jamais l'œuvre de l'habitude ou de la faiblesse, et encore moins d'une partialité obstinée. Toujours, au contraire, ils sont le produit le plus pur de la liberté et s'adressent exclusivement au fond des cœurs. Les mouvements vulgaires que je viens de repousser n'ont jamais eu accès auprès de moi. Jamais je n'ai laissé surprendre mon amitié par un bienfait, ni mon amour par la beauté. Jamais la pitié ne m'a prévenu, au point de me faire accorder du mérite au malheur, et de me représenter celui qui souffre autrement et meilleur qu'il n'est. Jamais l'accord dans les détails ne m'a trompé sur les différences essentielles des caractères. J'ai toujours ainsi conservé, dans mon âme, de la place pour le véritable amour et pour la sincère amitié, et mon ardeur ne se ralentit point pour chercher à la combler d'une manière sans cesse plus riche et plus variée. Là où je remarque une tendance à l'individualité garantie par l'amour et par cet intérêt général dont j'ai parlé, là aussi je reconnais un objet qui a droit à mon affection. Je voudrais embrasser avec amour tout être de cette espèce, qu'il appartienne à l'innocente jeunesse, alors que la liberté commence à germer, ou bien à l'époque où l'humanité s'est accomplie en lui et a atteint sa maturité. Je le salue en moi du salut de l'amour, quand même cet acte doit se borner à un signe, puisqu'il ne nous est donné qu'une rencontre passagère. Je n'accorde pas non plus mon amitié d'après l'apparence extérieure ou d'après une mesure du siècle. Mon regard plane bien au-delà du monde et du temps, et cherche la grandeur intime de l'homme. Je ne dois pas me laisser déterminer par l'étendue des connaissances que son esprit a déjà embrassées, par le degré actuel de son propre perfectionnement, par le nombre de ses œuvres ou par les choses quelconques qu'il a faites. Aisément, je puis me consoler s'il est en défaut sur tous ces points. Son individualité et les rapports de cette individualité avec l'ensemble de la nature humaine, voilà ce que je cherche. Plus je la trouve développée, et plus j'en saisis les rapports. Plus aussi j'ai d'amour pour lui, mais je ne puis lui en témoigner qu'en proportion de ce qu'il me comprend. Hélas ! Voilà pourquoi mon amour est revenu si souvent à moi, sans avoir été compris. Le langage de mon cœur n'a pas été entendu, tout comme si je fusse resté muet. Et il pensait aussi que j'étais muet. Les hommes marchent souvent dans des sentiers voisins, et pourtant ils ne se rapprochent point les uns des autres. C'est en vain que l'un d'eux, poussé par une sorte d'instinct, en appelle un autre, et l'invite à une rencontre amicale. Ce dernier demeure sourd à cette voix. Il en est parfois qui se rapproche, quoique les sentiers qu'il parcourt soient à une grande distance. Tel croit que c'est pour toujours, et ce n'est que pour un instant. Un mouvement opposé entraîne chacun d'eux, et nul ne sait où son semblable est allé. C'est là fréquemment ce qui m'est arrivé dans mon désir d'aimer. Ne serait-ce pas honteux qu'il ne fût jamais parvenu à maturité, que mes trop faciles espérances ne se fussent point évanouies, et que la sagesse riche en pressentiments n'eût point établi sa demeure au-dedans de moi. Tu seras compris par celui-ci jusqu'à tel point, et par celui-là jusqu'à tel autre. Avec tel degré d'amour, tu peux embrasser le premier, mais contiens-toi vis-à-vis du second. Ainsi me crie souvent la sagesse, et souvent aussi c'est en vain. Le langage pressant de mon cœur ne laisse point de place à la prudence. Et je repousse, bien plus encore, l'orgueilleuse prétention de m'opposer à ce que des hommes aient du penchant pour moi, et recherche mon amour. Je fais toujours trop d'avance. Je me livre sans cesse à de nouveaux essais, pour qu'on y réponde. Et je suis bientôt puni de mon avidité, en perdant ainsi maintes fois ce que j'avais auparavant. Il n'en peut pas être autrement avec celui qui désire devenir un être individuel. Et parce qu'il en est de la sorte avec moi, c'est la preuve la plus assurée que je le deviens. Plus l'esprit s'exerce dans le domaine des choses générales, plus celui qui travaille à son perfectionnement se sent attiré par un nombre considérable de sphères d'action. Et ceux qui sont limités à une seule s'imaginent que quiconque y participe est un des leurs. Plus il y a d'individualité dans la manière dont tout se développe en moi, plus il faut, chez celui qui aspire à me comprendre et à m'aimer pour un temps durable, de généralité dans ce qui provoque son intérêt, et d'indépendance dans son amour envers une nature différente de la sienne. Ainsi qu'on l'a cru à l'égard des comètes, le sage lit entre eux une foule de systèmes du monde, et il s'agite autour de mains soleils. Un astre découvre ce sage avec joie et cherche à le connaître. Ce dernier sourit, s'incline et s'approche. Puis l'astre l'aperçoit dans le lointain, mais avec une figure tellement changée qu'il doute si c'est bien encore le même homme. Alors celui-ci rebrousse chemin dans sa course rapide et rencontre de nouveau cet astre avec amour et amitié. Où trouver le bel idéal d'une union accomplie? L'amitié arrivée de part et d'autre à la perfection? Là seulement, où chez tous deux, l'amour et ce sentiment qui s'intéresse à tout ont également grandi, presque au-dessus de toute mesure? Alors la perfection de leur amour entraînerait la perfection de leur être, et elle se ferait entendre à eux. L'heure qui, pour tous les autres, a sonné avant ce beau moment. L'heure de quitter le monde et de rentrer dans le sein de l'infini.